La justification est l'acte par lequel Dieu fait passer une personne de l'état du péché à l'état de sainteté. Romains 5, 19 dit que nous avons été rendus justes. Alors, la justification n'est pas une étiquette, mais une transformation qui se voit par des actions justes. La différence fondamentale entre un chrétien vrai, un vrai membre du corps du Christ, et un croyant qui est seulement un membre d'Église, c'est que le membre d'Église a accepté le Christ seulement pour être sauvé de l'enfer, tandis que le membre du corps de Christ l'a accepté pour entrer dans le plan de Dieu et faire sa volonté au meilleur de toutes les capacités que Dieu lui a données. Être juste, c'est suivre avec nos pieds des voies droites, loin du péché, pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres, prononcer toutes sortes de bonnes paroles et exercer la miséricorde. Être juste, c'est avoir un cœur droit et poser des actions droites. Un juste, c'est quelqu'un qui observe les lois de la morale chrétienne. Être juste, c'est également avoir un jugement droit à l'égard du bien et du mal. Le juste a le mal en horreur et une grande affection pour le bien. La justice est une vertu qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Elle exerce le bon droit. Le juste se prononce droitement sur les droits de chacun. C'est une personne capable de reconnaître ce qui est mal et de le dénoncer. C'est aussi quelqu'un qui est capable de reconnaître le bien et le bon chez les autres, de le louer et de s'en réjouir. Être juste, c'est reconnaître le mérite de chacun. Un juste, c'est quelqu'un qui fait la lumière entre le bien fondé et le mal fondé. Et par-dessus tout, le juste est une personne honnête dans les affaires. Le chrétien qui est un mécanicien automobile, là, puis qui change des pièces qui ne sont pas encore défectueuses, là, est un voleur. Et les voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10. Est-ce que je suis assez clair, là? Le Seigneur ne se contente donc pas de nous avoir justifiés juridiquement, mais il s'attend de nous à ce que nous en portions les fruits. C'est ça la vraie justification par la foi. Luc 3, 7, 14. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Vous voyez, il allait chercher une justice imputée, là. C'est pas comme ça que ça marche, je vous le déclare, que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants Abraham. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? » Jean-Baptiste ne leur a pas dit, « Ah, vous avez seulement à croire. Croyez seulement, hein? Persuadez-vous que vous êtes sauvés, puis vous l'êtes. » Non, non, non. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Tout le monde avait quelque chose à faire, hein? Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Phew! C'est autre chose que le salut par la foi seul, hein, mes amis? Allez dire à Jean-Baptiste que les œuvres n'ont aucun rôle à jouer dans le salut, qu'elles ne sont qu'un corollaire. Ce sont nos actions qui définissent ce que nous sommes, ou alors nous ne sommes rien. Porter le nom de chrétien ne sauvera personne. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Écoutez bien ceci. Jésus n'avait pas seulement l'étiquette de Fils de Dieu, mais il l'était en parole et en œuvre, véritablement. De même, Dieu veut que tous ses enfants le soient véritablement. Au diable les étiquettes. Il est déplorable que la théologie des réformateurs concernant la justification et la sanctification ne se résume qu'à emporter les étiquettes. Pour eux, porter de bons fruits est souhaitable, voulu, mais n'est pas nécessaire au salut. Moi, je vous dis ballonné. Je vous dis que c'est là qu'une doctrine de chrétien tiède, agréable à entendre, qui n'est pas biblique. Dieu est un Dieu juste. Il n'a pas seulement été déclaré juste par un autre, il est juste réellement. De même, Dieu ne veut pas des enfants qui ont été déclarés justes, mais des enfants qui marchent réellement dans la justice. Jésus a dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » La traduction Godspeed a rendu « afin de vous montrer vous-même de vrais fils ». C'est par les œuvres que l'on est un vrai fils. Je fais remarquer quelque chose. Jésus ne dit pas « enfant de Dieu », mais « fils de Dieu », ce qui indique un état d'homme fait dans les voies spirituelles. Jésus a dit « heureux ceux qui procurent la paix, et ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. La traduction Weymouth a rendu « ils seront reconnus comme fils de Dieu. » La traduction Moffat a rendu « ils obtiendront le rang de fils de Dieu. » La traduction New English Bible a rendu « car Dieu les appellera ses fils. » C'est conditionnel aux œuvres, conditionnel aux œuvres que Jésus nous demande. C'est par ses œuvres que l'enfant de Dieu arrive à la stature parfaite de fils de Dieu. Pour entrer en Christ, il ne faut que la foi. Pour demeurer en lui, il faut lui obéir. Avons-nous droit, frères et sœurs, au nom de chrétiens, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Après être entré en Christ, il faut demeurer en Christ, soit en obéissant à ce qu'il nous demande au quotidien. Les œuvres que Dieu nous demande nous seront redemandées en vue de notre salut final. Matthieu 21, 28 à 30. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux fils a fait la volonté de son père? Ils répondirent le premier. La parabole des deux fils est très claire. Le premier confesse de la bouche qu'il va aller travailler à sa vigne. Le deuxième n'a même pas la confession de la bouche, mais il est actif par l'obéissance et il fait la volonté de son père. C'est celui-là qui a été justifié et non l'autre. Un grand nombre de chrétiens sont littéralement enivrés de ce qu'ils sont en Christ, mais dans la vie de tous les jours, ils ne sont que des airains qui résonnent. « Oh, merci Seigneur, je suis saint en Christ. Je suis sanctifié en Christ. Je suis justifié en Christ. Je suis fils de Dieu en Christ. » Mais ils vivent comme des vrais païens sur la terre durant la semaine. La théologie luthérienne, c'est ça que ça donne. La théologie du Christ était très simple et bien différente. N'était appelé fils de Dieu que celui qui agissait en conformité avec ce nom. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, 31. La traduction William Beck et Goodspeed ont rendu « Si vous vivez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Rien de moins, là. Le moins qu'on peut se dire, c'est que Jésus n'était pas fort sur les étiquettes. Jésus n'impute sa justice qu'aux petits-enfants qui viennent de naître en lui. En grandissant, l'enfant chrétien se fortifie. Il découvre son monde, commence à marcher et à parler. L'imputation de la justice n'est pas destinée à nous couvrir toute notre vie, là, mais uniquement de la naissance en Christ jusqu'au jour où nous sommes capables de marcher nous-mêmes dans la justice. je dirais soit entre 0 et 4 ans de vie chrétienne environ, si vous êtes en santé spirituellement. Moi, je vous dis que si votre justification ne porte pas de fruits justes après 5, 10, 15 ans de vie chrétienne, vous n'avez pas été justifié par Jésus-Christ, mais par les hommes. Une justification doctrinale seulement n'est qu'une chimère et une vaine espérance. Paul a écrit en 1 Corinthiens 15, 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, ce qui sous-entend des actions ici-là, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Ce qui fait exactement écho à la parole de Jacques 2,20, « Veux-tu savoir au homme vain que la foi sans les œuvres est inutile, c'est-à-dire impuissante à procurer le salut. » Pour entrer dans le salut, l'homme n'a besoin de faire aucune œuvre. On vient au Seigneur comme on est, avec nos mains sales et tout notre bagage de péché. Mais graduellement, le Seigneur nous rend très vite capable de produire des fruits de justice et de sainteté. Et malheur à celui qui, par tiédeur, choisit délibérément de ne pas en produire. On se souvient tous de la parabole du figuier stérile. Si après 3 ou 4 années, nous vivons encore de la manière des païens et ne portons aucun bon fruit, le Seigneur est en droit de nous couper de son alliance et de nous retirer son nom. Dieu ne déteste rien autant que la stérilité. Alors je vous le dis, frères et sœurs, mettez-vous en garde contre le levain des réformateurs. Leur théologie du salut n'est qu'une chimère et une doctrine d'homme agréable à entendre. Sauvé par la foi seule, oui, et perdu par la présomption. Ça va leur faire une belle épitaphe. Sauvé par grâce et perdu par la stérilité. Quand Paul dit que la foi fut imputée à justice à Abraham, en Romains 4,9, est-ce que c'était une foi sans œuvre juste? Non, puisqu'il dit au verset 12 qu'Abraham est le père de ceux qui marchent sur les traces de la foi. Genèse 17,1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Alors, marcher sur les traces de la foi d'Abraham, c'est marcher dans l'intégrité. Ce n'est pas une foi qui est imputée extérieurement seulement. On comprend mieux maintenant l'exhortation de Paul en Éphésiens 4:1. « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On en comprendra qu'il ne s'agit pas ici d'un conseil, mais d'une question de salut. Je le répète, le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais ne le sera certainement pas sans les œuvres de la foi. Voilà ce que la Bible enseigne. Je vais vous le dire, c'est quoi la vraie foi? On va le voir avec la Bible. En Hébreux 11, c'est le grand chapitre de la foi. Nous allons le survoler, puis vous pourrez observer vous-même tout au long de ce chapitre que la foi de ceux qui l'ont exercée était toujours accompagnée d'œuvres. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Verset 5, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé, parce qu'il était agréable à Dieu, c'est-à-dire par sa façon de vivre. Verset 7, c'est par la foi que Noé construisit une arche. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Verset 11, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ici, c'est un peu subtil, vous allez peut-être dire, ici, il n'y a pas d'œuvre jointe à la foi, mais ce n'est pas entièrement vrai, car dans certaines circonstances, croire est un acte de foi en soi. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Verset 22, c'est par la foi que Joseph donna des ordres au sujet de ses os. Verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Verset 24, C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Une décision, c'est également un acte de foi. La décision que l'on a prise pour Christ a été la première œuvre de notre foi. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en ait eu fait le tour pendant 7 jours. Verset 31, c'est par la foi que Rahab la prostituée reçut les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Frères et sœurs, nous voyons en tout ce chapitre entier que la foi était toujours accompagnée d'une œuvre. Il n'est jamais question de la foi seule. Ce que Martin Luther appelle la foi seule n'existe pas dans la Bible. Le seul endroit où l'on voit la foi seule, la foi sans les œuvres, c'est quand Jacques parle de la foi des démons qui croient en Dieu mais ne marchent pas dans la justice. Martin Luther nous demande de croire que les œuvres annulent la foi, alors que la Bible nous dit au contraire qu'elle la confirme. Alors à l'avenir, quand vous verrez dans les évangiles ou dans les épîtres où le mot « foi » est employé, vous saurez que les œuvres sont toujours sous-entendues, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées. Martin Luther a échafaudé la doctrine du salut par la foi sans les œuvres parce qu'il y avait des péchés dans sa vie dont il n'avait pas le courage de renoncer et dont il n'avait pas la victoire. Et au lieu de travailler à sa sanctification, de s'humilier devant le Seigneur et de suivre les voies normales de la sainteté, il en a eu marre de sa culpabilité et il a élaboré tout un système dans lequel il n'était plus obligatoire de se sanctifier. Il a basé toute sa théologie sur le tout petit bout de verset « Le juste vivra par la foi », un texte qu'il a passé dans le tordeur et interprété de façon à lui faire dire à peu près ceci « Le pécheur sera sauvé sans être obligé de se sanctifier ». De cette façon, il se dégageait de sa responsabilité de chrétien, qui est de marcher d'une manière digne du Seigneur, loin des convoitises charnelles. Il a élaboré tout un système pour se justifier dans ses péchés. C'est ça le véritable fond de sa doctrine. Et toute cette population de paysans ignorants des Écritures l'ont suivi comme un troupeau d'idiots. Comme je l'ai dit tantôt, le manuel d'histoire que j'ai consulté dit « Luther s'adonnait d'ailleurs à la boisson et, selon ses propres expressions, dévorait comme un bohème et buvait comme un teuton. » Alors on voit que les effets de sa doctrine sur lui-même ont été déplorables. Pour Luther, c'était ça être sauvé par la foi sans les œuvres. Si t'es aux prises avec des péchés et des vices dans ta vie, ne les combats même pas, ça sert à rien. T'as pas le libre arbitre de toute façon, tu ne fais que subir les choses, puis t'es pas responsable. À ce propos, il dit lui-même, « Pêche fortement et crois plus fortement encore. » Je n'invente rien, les amis. Toutes les citations sont tirées de ses propres écrits. Il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » La foi en Jésus-Christ est donc avant tout une façon de vivre juste. Comprenez-vous, voyez-vous ça là, dans le verset? « Le juste vivra par la foi. » La foi en Jésus-Christ est donc avant tout une façon de vivre juste. Frères et sœurs, reconnaissons une fois pour toutes la part des œuvres dans l'économie du salut. Maintenant, je veux revenir un peu sur la foi initiale du salut. Quand je dis que les œuvres de la foi sont nécessaires au salut, les jeunes chrétiens qui ne sont pas encore capables d'en produire ressentent un malaise. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Romains 3, 24 dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Okay? Il y a aussi Actes 16, 30. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ensuite, il y a Tite 3, 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites par le passé, mais selon sa miséricorde. » Croire en Christ est l'acte de foi initial qui nous fait entrer dans le salut de Dieu. Pas besoin d'aucune œuvre. Après la confession de foi qui nous fait entrer dans la justification, viendra obligatoirement le temps, un jour, où nous devrons marcher dans cette justification. Car n'oubliez pas que s'il est possible de naître de nouveau, il est également possible de mourir de nouveau. En Jude, verset 12, il est écrit « Ce sont des nuées sans eau, hein, la foi sans les œuvres, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts. » Pour mourir une deuxième fois, faut être né une deuxième fois, faut naître né de nouveau. Passage parallèle, Romains 10, 8, 9. « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le verbe « parvenir » peut donner l'impression que la justice et le salut sont des acquis une fois pour toutes, mais n'en faisons pas l'erreur. Pour l'être vivant, rien n'est acquis une fois pour toutes. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Apocalypse 14, 13. Il y a aussi celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Matthieu 10, 22. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 6. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui commencent, mais peu qui achèvent. Jésus a dit aussi, « Quel est l'homme qui bâtit une tour, ne s'assoit pas d'abord pour voir s'il a de quoi terminer? » De plus, il faut plus que confesser le Seigneur de la bouche pour être sauvé. Après la confession de la bouche qui nous fait entrer en Christ, il y a les œuvres d'obéissance qui nous font y demeurer. Paul dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu parviens au salut. » Mais Jésus a aussi dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. » En réalité, ce que Paul voulait dire, car Paul n'a certainement pas eu l'intention de contredire le Seigneur, on s'entend là-dessus, c'est plutôt ceci. C'est en croyant du cœur qu'on entre dans la justice de Christ, et c'est en confessant de la bouche qu'on entre dans le salut. Alors, nous voyons qu'entrer dans le salut est d'une gratuité et d'une facilité merveilleuse. Quand nous arrivons à Jésus, nous n'avons rien à lui offrir qui ait de la valeur vraiment, sinon notre cœur. Ensuite, Jésus, en nous, désire parler et agir de diverses façons. Il veut se servir de nos membres. Les œuvres justes que Jésus veut nous voir accomplir nous confirment ensuite dans le salut. Alors je redis que la foi en Christ est la porte du salut et son commencement, non la ligne d'arrivée. Comme dit le Seigneur, celui qui vient à moi, ça c'est la foi, entend ma parole et la met en pratique, ça c'est les œuvres, est semblable à un homme qui a bâti sa maison, son salut, sur le roc, c'est-à-dire un salut bien assuré. Chaque croyant possède ou possédera au long de sa route là, des capacités pour glorifier le Seigneur, pour le servir. Pour une âme bien née, il n'est pas difficile de faire le bien. C'est au contraire une façon de vivre gratifiante qui donne des ailes à toute la vie chrétienne. C'est un mode de vie qui porte en lui-même de grandes récompenses. Quand le Seigneur entre dans notre vie, il le fait gratuitement, sans nous demander de payer quoi que ce soit. Nous arrivons au Seigneur les mains vides, puis c'est ça la grâce. Ensuite, cette même grâce nous demande des choses en obéissance. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le bonheur que procure l'accomplissement des œuvres que Dieu nous demande multiplie la grâce et la joie de notre salut. Et c'est aussi de cette façon que nous affermissons notre élection, pour employer l'expression de 2 Pierre 1, 10, c'est-à-dire que nous certifions notre salut et le rendons de plus en plus certain. Nous savons tous que Christ est mort en portant nos péchés, afin que nous vivions en portant sa justice. ce n'était pas seulement une étiquette que le Christ a portée sur la croix. Il a porté nos péchés de fait et en action pour que nous en venions à porter sa justice de fait et en action également. La théologie du salut par la foi seule est souvent défendue par des chrétiens tièdes qui veulent conserver leurs péchés favoris et échapper à la responsabilité de se sanctifier. On voit ça sans cesse sur Facebook. Examinez la vie privée de ceux qui défendent cette doctrine, vous en trouverez un sacré paquet qui vivent dans le désordre. Ne soyez pas de ceux qui se séduisent eux-mêmes pour se perdre. Je résume donc ma position pour essayer de faire le plus clair possible. Après être venu au Seigneur tout à fait gratuitement, le chrétien doit adopter une foi obéissante. Ça va avec sa croissance. Dieu ne demande rien au-delà de ta croissance. Nous devons habiller notre foi avec une obéissance quotidienne aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, nous dit Apocalypse 3:18. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, Apocalypse 16:15. Il est donc très imprudent et très très peu avisé, je dirais même que c'est une véritable tentative de suicide spirituel que d'exclure les œuvres de notre marche vers le salut. Car celui qui sera trouvé sans l'habit de noces sera jeté dehors dans les ténèbres, nous dit Jésus. C'est quoi l'habit de noces? Apocalypse 19, 7-8 nous le dit. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors vous voyez, on n'y échappe pas. Les Écritures sont claires. Luc 9, 24 maintenant. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix chaque jour. Je ne vois pas de salut par la foi seule dans la théologie du Seigneur. La foi nous accorde une justification de départ, d'accord, une sorte de crédit spirituel, tant qu'on est encore des petits bébés. Ensuite vient l'obéissance, qui est une condition pour conserver le salut. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix chaque jour. Je vois ici une condition. Par la grâce, nous sommes entrés dans le salut, et par l'obéissance à la grâce, nous le conservons. Est-ce que c'est clair? Si l'on vous a dit que le salut s'acquérait par la foi, on vous a dit vrai. Si on vous a dit que le salut se conservait sans les œuvres, on vous a menti, ou on vous a induit par erreur, par ignorance. Car tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans la théologie du Christ, les œuvres bonnes sont donc obligatoires au salut final. Il y a quelqu'un un jour qui me dit « Je vois nulle part dans la Bible où il est dit que celui qui obéit est sauvé. Je vois en revanche que celui qui croit est sauvé. L'obéissance est la marque de l'amour de l'enfant de Dieu envers son maître, mais elle ne sauve pas, car... que se passerait-il quand on désobéit? On perdrait son salut. » Fin de citation. On entend souvent ça. Premièrement, on ne perd pas son salut parce qu'on vient de désobéir. Et on ne le perd certainement pas à chaque fois que l'on désobéit. La désobéissance est un péché. On est d'accord là-dessus? Mais 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est lorsque le chrétien désobéit à répétition et tombe dans l'habitude de la désobéissance que ça devient un problème. L'habitude de pécher fait tomber dans l'habitude de ne plus demander pardon et dans l'habitude de ne plus se relever en tombant. Graduellement, il descend dans la tiédeur où sa communion avec Dieu est totalement détruite. Un jour viendra où le Seigneur le séparera de son peuple et le placera parmi les boucs. C'est comme ça que ça se passe. Ne venez pas me dire que l'obéissance n'est pas nécessaire au salut. Je répète ce que le petit gars m'a dit là. L'obéissance est la marque d'amour de l'enfant de Dieu envers son maître, mais elle ne sauve pas. Bon, ok, si l'obéissance n'est qu'une preuve d'amour envers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand tu n'obéis pas? chaque désobéissance devient une preuve que tu ne l'aimes pas? Dans ce cas-là, on en arrive au même point parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 16, 22. Alors, les amis, essayez pas de vous défiler là, avec des raisonnements tordus. On ne s'en sort pas. L'obéissance est nécessaire au salut. C'est pour ça qu'il est écrit partout dans la Bible que nous serons jugés selon nos œuvres. Paul a écrit « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Moi, je vois que l'obéissance fait partie du salut, je m'excuse, là, mais ça, c'est très très clair. Là. Romains 6, 16. L'obéissance conduit à la justice, la justification. Nous entrons dans le Christ par la foi en lui et nous demeurons en lui en obéissant à ce qu'il nous demande dans le quotidien, par les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Chaque désobéissance entraîne une perte de grâce et cause une blessure à notre relation avec Dieu. De même, chaque acte d'obéissance fait augmenter en nous la grâce et fortifie notre relation avec lui. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. L'inverse est également vrai, hein? À force de ne pas faire ce que Dieu nous demande, nous l'éloignons de nous. À force de désobéissance dont il ne se repent pas, le chrétien se charge de péchés de plus en plus nombreux, jusqu'au jour où il attriste l'Esprit-Saint, jusqu'à sombrer dans la tiédeur et où Dieu ne lui demande plus rien. C'est la mort spirituelle. C'est une deuxième mort. Oui, l'obéissance est reliée à la vraie foi. On peut dire alors que l'obéissance sauve. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? L'obéissance est inséparable du salut et à la vraie vie chrétienne. Saint Hilaire de Poitiers, au IVe siècle, a écrit « C'est l'obéissance à la volonté de Dieu et non l'emploi répété de son nom qui nous fait trouver le chemin qui conduit au ciel. » Mes amis, chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas cette doctrine de salut par la foi seule. Ça n'a jamais existé. La foi et l'obéissance à la volonté de Dieu faisaient partie du salut, faisaient partie intégrante du salut et c'était inséparable. Jean 8, 30, 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vraiment mes disciples, pas seulement étiquetés comme tels. Encore ici, l'obéissance qui est nécessaire au salut. Chez le protestantisme, la justification n'est qu'une justice imputée et toute extérieure uniquement, alors que dans l'Écriture, la justification fait référence à une œuvre intérieure qui se reflète par des actes extérieurs. C'est une justification où l'homme est vraiment changé en homme juste. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, 13. Voyez-vous l'obéissance ici encore? Est-ce que ce n'est pas assez clair? Encore ici, l'obéissance reliée à la justification. Et il y a une foule de passages corroborants comme ça. En arrivant à Christ, Dieu nous impute sa justice gratuitement, sans dépendre d'aucune œuvre de notre part. Je le répète encore pour que ce soit clair. Cette justice imputée nous communique la grâce maintenant de marcher dans la justice. Nous marchons dans la justice par la grâce de sa justification. Nous n'avons pas eu à nous rendre acceptables avant que Dieu nous accepte. Nous n'avons pas eu à nous rendre aimables avant que Dieu nous aime. Nous n'avons pas eu besoin de nous rendre justes avant que Dieu nous justifie. Mais après être entrés dans la famille de Dieu et avoir reçu l'Esprit de Christ, Dieu s'attend qu'après toute cette gratuité, à ce que par reconnaissance et par la grâce qu'il a placée en nous, nous devenions réellement tout ça. Nous devons rendre à Dieu grâce pour grâce, au meilleur des capacités qu'il a placées en nous. Donc, en réponse au don gratuit de Dieu, nous devons ensuite lui offrir nos œuvres gratuites. Les chrétiens aujourd'hui laissent Jésus être leur sauveur, mais ne le laissent pas être leur Seigneur. « Viens dans mon cœur, Jésus, sauve-moi! Sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas quoi faire! » Ce ne sont pas de vraies conversions au Christ, mais des simulacres de conversion. Nous prêchons un évangile dilué, alors nous récoltons des conversions à demi. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père. En bref, le Seigneur nous dit ici en ses propres mots que la foi, si elle n'est pas accompagnée par des œuvres d'obéissance, est morte et non avenant. Saint Augustin a écrit « N'allons pas croire que pour produire les fruits dont le Sauveur a parlé plus haut, il suffise de dire à Dieu « Seigneur, Seigneur » et d'avoir par là même l'apparence d'un bon arbre. Ces fruits consistent à faire la volonté de Dieu. » Fin de citation. Les fruits d'un arbre témoignent que celui-ci est vivant. Alors une foi qui ne porte pas de fruits est une foi morte qui ne donne pas le salut. Jésus démontre bien souvent que cette foi superficielle ne suffit pas. Il faut être amené à l'obéissance de la foi, dit Romains 1:5, qui sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Dans le corps du Christ, chacun doit faire ce qu'il fait le mieux et obéir à ses dons. Chaque chrétien doit lever ses manches et faire ce que Dieu lui demande sur une base quotidienne. Chaque croyant doit faire ce que Dieu lui demande sur la terre, où il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ceci est extrêmement sérieux. Toute cette histoire de salut par la foi seule ne produit que des figuiers stériles. Et au ciel, les amis, il n'y aura aucun figuier stérile, je vous en donne l'absolue garantie. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de tomber dans la peur de ne pas être sauvé, si l'on ne produit pas d'œuvre. Il s'agit seulement d'apprendre à obéir à la grâce que nous possédons et de faire et dire ce qui se présente à nous naturellement au jour le jour. N'allez pas faire n'importe quoi, mais uniquement ce que Dieu vous met à cœur et dont il vous donne la grâce. Le jeune chrétien se dit quelquefois « mais moi je ne me trouve pas de don ». Mais si vous n'avez pas encore reçu de don pour édifier les autres, travaillez simplement sur vous-même. Travaillez à votre sanctification personnelle. Et travaillez à aimer le Seigneur de tout votre cœur en attendant. Avant de recevoir des dons, il faut quelquefois s'asseoir aux pieds de Jésus de nombreuses années. Aimer le Seigneur de tout son cœur et le louer sont déjà des œuvres excellentes. Le Seigneur placera tôt ou tard des petites choses à faire sur votre route. Il ne s'agit pas de se mettre à faire n'importe quoi, de courir dans tous les sens, mais uniquement ce que le Seigneur vous demande. 2 Pierre 1:5 à 10. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Le Seigneur ne nous demande que ça au début. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Alors, vous avez ici les œuvres de la foi, du moins certaines d'entre elles. Il n'est pas question de la foi seule ici non plus, là. J'en entends déjà qui disent « Oui, mais ces œuvres-là ne sont pas obligatoires au salut. » Je m'excuse, mais lisons ce qui suit. « Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Un chrétien qui ne se sanctifie plus est un chrétien mort. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » La traduction King James a rendu « Appliquez-vous à rendre votre élection certaine, votre salut. » Traduction Godspeed, « Rendre votre appel et le choix de Dieu certain. » La traduction TCNT, « Rendre votre élection ou votre salut hors de tout doute. » Alors oui, ces œuvres font partie de notre salut. Sans les œuvres de l'élection, il n'y a pas d'élection. Il faut sortir de ce moule doctrinal protestant qui consiste à toujours en faire le moins possible. « Ah, bien le Seigneur a tout fait, alors on n'a plus rien à faire. » Mon Dieu, quel raisonnement d'enfant! Comme j'ai entendu ça souvent. Quel défaut de connaissance! Ce serait presque blasphématoire des paroles comme ça si ce n'était pas dit avec tant d'ignorance. On n'a plus rien à faire, Seigneur, à tout fait, on n'a plus rien à faire. Seigneur, faire des œuvres, les amis, ça va pas vous tuer. Ça va pas vous rendre malheureux. Les œuvres que Dieu vous demande vont vous procurer, au contraire, une grande joie intérieure. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Notre bonheur intérieur vient du bien que l'on pratique. Les bonnes actions et les bonnes paroles sont la source de la joie chrétienne. Tes préceptes sont la joie de mon cœur. Psaume 119, 111. Les bonnes œuvres sont la nourriture de notre joie. Nos bonnes œuvres gardent vivante notre foi et nous rend heureux. Ce sont les œuvres que Dieu nous demande qui donnent un sens à notre vie chrétienne et un but à l'existence. Si ce que vous faites, vous êtes à fardeau, là, et que vous vous sentez sous pression dans quelque chose dans l'Église que vous faites, c'est que vous faites des choses que Dieu ne vous a pas demandées. Il se peut que quelqu'un d'autre vous ait placé un joug sur les épaules qui n'est pas celui de Jésus-Christ, car son joug est doux et son fardeau est léger du Seigneur. Alors c'est par toutes ces œuvres que nous travaillons à assurer notre élection, assurer notre salut. C'est par nos œuvres que notre élection est rendue certaine. Si vous êtes toujours à douter de votre salut, là, ben mettez-vous à produire des œuvres du salut et l'assurance du Saint-Esprit va venir dans votre cœur. Petits enfants, n'aimons pas avec en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, et par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nos œuvres sont la nourriture de notre salut. La foi seule est tout aussi inutile que la loi seule et aussi impuissante à procurer le salut. Le chrétien sans œuvre est aussi commun qu'une huître sans perles. L'œuvre bonne est la perle qui donne de la valeur à l'huître. Les chrétiens du dimanche là, ne sont utiles ni à Dieu ni aux hommes. Tite 3:8 dit ceci. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Puis là, je ne parle pas des jeunes chrétiens de 2 ou de 3 ans. À vous, je dis là, assoyez-vous aux pieds du Seigneur à écouter sa parole et jouissez de ses bénédictions. Louez le Seigneur dans l'Église. Recevez des grâces. C'est tout ce que Dieu vous demande au début. Nous ne pouvons amener qu'une chose au ciel, nos œuvres. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. En Luc 16, 9, verset parallèle, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Je m'arrête ici pour la deuxième partie. Je vous invite à écouter la troisième.